2010. About the state of the church. À propos de l'état de l'Église. And we will walk very slowly and summarize. Nous irons très lentement et résumerons. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? In that vision of the Lord, dans cette vision du Seigneur, the Lord sent me to speak to the pastors. Le Seigneur m'a invité à parler aux pasteurs and tell them to shut the door. Et dis-leur de fermer la porte. And they did not shut the door. Et ils n'ont pas fermé la porte. Then, ensuite, the wild beasts, la bête sauvage invaded, a envahi the house of the Lord, la maison du Seigneur. And they horribly devoured the sheep. Et ils ont horriblement dévoré les brebis. The precious sheep of Christ. Les précieuses brebis de Christ. They devoured. Ils les ont dévorées. And mauled them. Et les ont déchirées. Then, ensuite, the wall collapsed. Le mur s'est écroulé. And then, ensuite, another set came in. Un autre groupe est venu. More vicious. Encore plus vicieuse. And they devoured and killed and murdered and assassinated the sheep. Ils ont dévoré et assassiné les brebis. And defiled them. Et les ont souillées. And then in the second part, et ensuite, dans la seconde partie, the Lord, le Seigneur, showed me the white car. Le Seigneur m'a montré la voiture blanche. And he called me. Et il m'a dit, tell the pastors, dis au pasteur to enter with you in that white car. D'entrer avec toi dans cette voiture blanche. That you may drive them to the mission field. Pour que tu puisses les conduire dans le champ missionnaire. In the vineyard. Dans la vigne. That we may do some work there. Pour que nous puissions faire quelques œuvres là. Then the pastor in that vision refused. Mais les pasteurs dans cette vision ont refusé. And I took a old bicycle. Et ils ont pris toutes les bicyclettes, peintes en noir, and old, et les ont tenues, and there was no mechanical advantage, et il n'y avait pas d'avantage mécanique, which means when they reach the hills, pour qu'ils puissent monter les collines. They will come down. Ils descendront de leurs bicyclettes et les pousseront. Push up the hill. Et les pousseront jusqu'au haut de la colline. And he let me know, et ils m'ont laissé savoir the dangers, les dangers that were all over the road, qui étaient tout au long de la route. And I knew they were going to devour. Et ils savaient qu'ils allaient être dévorés. I want to end there. Je désire finir là. To use that as the foundation. Utiliser cela comme la fondation. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? When the Lord sent Jeremiah, quand le Seigneur a envoyé Jérémie, to the house of the Lord, dans la maison du Seigneur, there was, il y avait a controversy. Une controverse. There had been, ils ont été a contradiction. En contradiction. What the word said, qu'est-ce que la parole a dit? And what the sanctuary of the Lord, et ce que le sanctuaire du Seigneur was disseminated, a été disséminé. Do you know that you can disseminate, vous pouvez l'envoyer whatever it is, quoi que ce soit that you are preaching, que vous prêchiez by preaching the word, en prêchant la parole and also, et aussi you can disseminate, vous pouvez disséminer. Just the way you live your Christian life. Juste de la manière dont vous vivez votre vie chrétienne. Whichever the case, quel que soit le cas, the priesthood or the congregation, le clergé ou la congrégation, there was a controversy, a contradiction, il y avait des controverses, des contradictions between the position of the Lord, entre la position du Seigneur between

Le Seigneur dit, ça doit être évident pour vous qu'il y a une grande chute. Mais il a parlé n'importe comment. Écoutez, précieux peuple, le Seigneur demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste dans la maison qui est consumé par le zèle de la maison? Parce que si ça vous arrive, la transformation va frapper votre vie. La transformation va frapper votre cœur. Vous allez commencer à comprendre qu'il doit y avoir une réformation dans cette maison. Jérémie, chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Le verset 20. My tent is destroyed. Ma tente est détruite. And all is broken and snapped. Tous mes cordages sont rompus. My sons are gone from me. Mes fils m'ont quitté. And are no more. Et ils ne sont plus. No one is left now to pitch my tent. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. And to set up my shelter. Et qui relève mes pavillons. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. When he says, quand il dit, house, celle de ta maison consumes me, up. Me consume. What does the Lord mean? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Number one, numéro un. Listen what he says. Écoutez ce qu'il dit. That is what all, que si the zeal for the house, le zèle de ta maison, is going to eat you up. Ça va vous manger. Consume you. Vous consumez. Number one is that you will cease to exist. Numéro un, vous allez cesser d'exister. You will cease to exist. Vous allez cesser d'exister. Let me put it better. Laissez-moi le mettre mieux. It will cease. Ça va cesser. To be about you. Ça va cesser d'être à propos de vous. It will now turn around. Ça va maintenant tourner autour and be about him. Et être à propos de lui. But the zeal for house, le zèle pour la maison, may now consume you. Puisse maintenant vous consumer. That you may do everything now on. Pour que vous puissiez faire maintenant toute chose depuis maintenant to be about the house, en ce qui concerne la maison and only the house. Et la maison seule. That means the Lord is saying, ça signifie que le Seigneur dit, if you truly have the zeal for my house, si vous avez vraiment du zèle pour ma maison, in this desperate hour, en cette heure désespérée, then, alors, you must have a proper commitment. Vous devez avoir une consécration totale. Complete commitment. Une consécration totale to my house. Pour ma maison. And I'm going to bring you to another level, second level of the house. Je vais vous amener à un autre niveau, le second niveau de la maison. The Lord is asking, le Seigneur demande, if you claim, si vous clamez that the zeal for the house, que le zèle pour la maison has consumed you, vous a consumé, then, alors are you really committed to the house? Êtes-vous vraiment consacré à la maison? Totalement. Properly. Totalement. Completely. Complètement. Number two. Numéro 2. When the zeal for house. Quand le zèle pour la maison consume your church. Consume votre église. You will look at the decay. Vous allez regarder au déclin. The putrefaction. La putrification. That is coming to the house. Qui vient dans la maison. And you will decide, et vous déciderez that I, que moi, I want to be separated. Je désire être séparé. The second thing is separation. La deuxième chose, c'est la séparation. When the zeal for house, quand le zèle pour la maison, the zeal for house, le zèle de la maison, eats you up. Quand c'est votre maison, the moment of truth. Le moment de vérité, house. The zeal for house. Est-ce que le zèle de la maison vous a consumé. Jérémie dit, le Seigneur se lamente que ma tante est détruite et mes fils se sont éloignés de moi. Personne n'est resté. Plus personne. Pour construire ma tente. Où sont les fils de Dieu? C'est ce que le Seigneur demande aujourd'hui. Le zèle de la maison. Est-ce qu'il consume votre cœur? Ensuite, qu'avez-vous fait? Il a dit, si cela arrive, la consécration, votre personne va disparaître et tout sera à propos de lui. Et cette séparation, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui délivre avant que vous-même vous ayez été délivré. Elle s'en est allée. La tente est désolée. Les cordages sont rompus. Elle fait d'autres programmes. Que vous pouvez recevoir votre guérison. Elle court avec le programme des faux prophètes. L'Église suit le programme des mensonges. Est-ce que le zèle de la maison vous consume? Précieux peuple, le temps est passé. Nous devons nous transformer aujourd'hui. Parce que c'est passé. Laissez-moi vous dire le niveau suivant maintenant. C'est ce que le Seigneur dit. La Bible dit. Est-ce que vous ne savez pas? N'êtes-vous pas au courant? Est-ce que vous n'avez pas compris que vos corps sont le saint temple du Seigneur, du Saint-Esprit? N'êtes-vous pas encore au courant? Ce qu'il était en train de dire dans ce rêve, que vos cœurs sont que vos maisons qui sont le temple saint de Dieu, ce sont ceux ont été ceux qui ont été envahis. Ils ont été dévorés. Ça n'est pas à propos du pasteur qui a été réprimandé aujourd'hui. Ça n'est pas à propos de votre pasteur qui a été réprimandé aujourd'hui. C'est toujours à propos de vous. Même à la croix. C'était toujours à propos de votre cœur. Pour qu'il puisse gagner le cœur des hommes. Pour qu'il puisse racheter le cœur des hommes. Ce soir, il doit y avoir de la repentance ici. Pourquoi? Parce que les cœurs sont déchirés par le péché, par des fautes. Les péchés sexuels sont dans cette église. Des actes sexuels sont dans cette église. Car le zèle pour la maison me mange. Seigneur,

mon Seigneur et mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau.